soirée, cigarette collée. Les gens se font de bon mal. Soulager, non, mais c'est moi qui a songé tout. C'est moi qui a